Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fibres le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et si je n'avais pas ma lampe de luminothérapie, je ne serais pas ici avec mon beau tan orange d'enfer. Ça bronze-tu des lampes de luminothérapie? Ben, garde-moi! Oui. Garde-moi l'allure! Mais t'as l'air vert, en fait. C'est ça. Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess PVM, grande bipolaire et concierge, et aujourd'hui on n'est pas tout seul! On est avec Judith Lucie, bonjour! Votre lesbienne frustrée de la journée! Yes! Et aujourd'hui, comment ça va tout le monde? Hey, très bien! Non, ça va mal. C'est sûr que ça va pas bien, je dis. Voyons, t'as-tu vu le monde dans lequel on vit? J'essaie d'être poli, là. On vient de reculer l'heure, là. Viens pas me dire que ça va bien. C'est mon rôle de fille, là. Laissez-moi une chance. Alors, ça va très mal. Et ce matin, en compagnie de Judith Lucier, autrice du livre On ne peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. On peut plus rien dire! On peut plus. On peut plus rien dire, hein. Cette phrase qu'on entend partout, tout le contraire du nouvel album de Madonna. Et aujourd'hui, cette phrase-là, on la décortique. On essaie de comprendre sa portée politique. Donc, avec Judith, on jase social justice warrior, vie militante et vie publique, puis de la relation tendue entre la politique et les réseaux sociaux. Fait qu'on s'en va déverser notre fiel en 200 caractères sur Twitter en sirotant notre café équitable. On vous revient. Over caféiné. C'est juste hier, là, j'étais chez nous, ok? Je me suis fait un délicieux café glacé. Là, j'ai fait une story avec mon café glacé et j'avais deux petites pailles dans mon café glacé. Ah, ben oui. Là, j'étais comme, j'appose-tu ma story parce que là, je le sais que le monde, ils vont me dire, hey, t'as des pailles! Mais mes pailles, je les avais avant dans ma boîte de pailles, avant que ça devienne un truc de pas avoir des pailles dans nos drinks. Fait qu'il est trop tard pour sauver les tortues. Mais là, j'étais comme, j'étais en train d'ouvrir le débat sur les pailles. Quand moi, je veux juste montrer que c'est l'été et que j'aime ça prendre un petit café glacé. Ouais. Fait que je suis rendu une machine à prévoir ces affaires-là. Fait que je fais attention. Fait qu'on a eu deux retweets, un like, puis on s'est fait bloquer par Benoît Dutrisac, et on est de retour, ben trop caféiné. Et oui, alors le petit extrait que vous venez d'entendre, c'est PL Cloutier, qui était invité dans un podcast qui porte très bien son nom. Le podcast s'appelle Arc. Et pauvre PL qui nous disait à quel point il doit faire attention dans ses stories de Basic White Faggot parce que il peut plus rien dire. Il s'est rendu un expert à prévoir les choses qu'il va se faire dire. Donc, on peut plus rien dire, c'est une expression qu'on a souvent entendue, surtout dans les médias mainstream, par des gens qui ont accès à de très grandes tribunes. Oui. Dans ton livre, Judith, tu nous dis que c'est en fait une déclaration qui est incomplète, puisque c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. On n'a jamais pu autant s'exprimer de notre vie, de toute l'histoire de l'humanité. On peut juste plus rien dire sans qu'on nous réponde. Exact. Est-ce qu'à l'ère des médias sociaux, on a de la difficulté à être tenu responsable de nos propos? Mais je trouve ça super intéressant, dans le fond, ce que Pierre-Luc Cloutier dit dans ce podcast, parce que... T'es bien la seule! Non, mais il l'a dit, évidemment, avec un réflexe de privilégié, sauf que moi, c'est une réflexion que j'ai, pour de vrai, quand puis mon public est hautement plus rigoureux et attentif à mes écarts de conduite que celui de PL Cloutier. Là. Oui, moi, oui. Des fois, je me demande si je poste une photo de la viande. T'sais, mettons, j'aurais posté une photo de mon souper. J'ai fait une dinde à Noël. Crise de gros oiseaux morts dans mon... je sais pas. T'sais, je me pose la question. Je trouve que c'est intéressant qu'on ait ces questionnements-là, puis qu'on soit de plus en plus gênés d'exposer nos imperfections. Nos imperfections, mais d'exposer... La vérité, c'est qu'on a des comportements qui sont contre l'environnement, puis qui sont... on serait gêné de dire des choses homophobes à la télé ou à la radio. Pourquoi on serait pas gêné un petit peu d'avoir des comportements d'outre-consommation? Moi, je vais y penser à deux fois, là, la prochaine fois que je vais voyager, de poster des photos de moi qui est sur la plage. Je sais que ça encourage les gens à... T'sais, ça leur donne le goût de voyager, puis de prendre l'avion, puis tout ça. T'sais, si on était tous un peu plus gênés de poster nos photos de voyage, bien, on serait tous un peu moins nombreux à avoir envie d'aller en voyage tout le temps. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans, mais je pense que ça peut avoir un impact quand même positif, le fait d'être de plus en plus honteux d'avoir des comportements de consommation qui sont pas responsables. Ouais. J'avoue que par rapport à des trucs de rapport de pouvoir, tu sais, je sais pas, là, de défendre des affaires genre la loi 21 en public sur tes réseaux sociaux versus des habitudes de consommation qui seraient pas bonnes pour l'environnement, pour moi, c'est deux affaires complètement différentes. Ouais. Mais je dis pas que c'est ça le problème, mais je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Je trouve que il l'aborde peut-être pas de la bonne façon, mais je pense qu'on devrait être un peu rendu là. On devrait, tu sais, des personnalités. Je te dis, c'est juste un extrait parce qu'il dit des affaires bien pires que ça dans le même podcast. J'ai été très doux avec lui. Mais en même temps, je trouve que, tu sais, des trucs de amener d'affaires individuelles, que individuellement on fait des affaires qui seraient comme pas si bonnes que ça pour l'environnement. Ouais. Tu sais, moi des fois j'étais un peu tanné qu'on soit dans l'espèce absolument de shaming d'individus quand on cherche vraiment des changements systémiques versus du monde qui vont comme vraiment, parce que ça revient à ça aussi, tu sais, on a des personnes qui ont l'auditoire de Pierre-Luc Cloutier, ça c'est vrai. La promotion de comportements qui sont ultra nocifs pour l'environnement. Quand Pierre-Luc Cloutier s'adresse à ces millions de followers et se vendre d'être allé, je sais pas moi, en République dominicaine, ça donne le goût, c'est la publicité, ça donne le goût à des millions de personnes. Les steaks sont pas les mêmes, c'est vrai. Ça réétablit une norme. Ça établit une voyager, norme. C'est le fun, il faut aller dans le sud. Exactement. Il faut prendre l'avion, faut tu sais, puis c'est pas ça que ça dit, mais c'est ça l'effet que ça engendre. In fine, c'est là qu'on arrive. Mais la réflexion m'est venue, pour de vrai, OK, j'ai été approchée pour participer à un podcast sur le poulet. J'ai dit non. Là, après ça, vous allez dire, c'est parce que t'as de l'amour propre. Oui. Mais c'est aussi parce que je me suis aussi posé la question, pour de vrai, c'était plus une question d'orgueil, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'encourager l'industrie de la viande. Puis à ma petite répercussion à moi, j'ai l'impression que ça a quand même un impact si des gens comme moi décident d'arrêter. Tu sais, je suis pas vegan, je mange pas beaucoup de viande, ma blonde est végétarienne, mais je veux dire, j'encouragerais jamais industrie-là. Je trouve ça dégueulasse. Fait que je vais pas... La moindre des choses, c'est de ne pas participer à un podcast de poulet. Ouais, quand même. Le thème de la liberté d'expression a souvent été abordé dernièrement dans les médias. C'est l'angle qui est généralement choisi pour traiter de conflits par rapport au caractère oppressif de certains propos qui sont dénoncés publiquement. Pourquoi c'est payant de parler de liberté d'expression plutôt que de rapport de pouvoir? Ben parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. T'sais, la liberté d'expression, c'est un concept ultra simple en apparence. Moi, je l'amène vraiment différemment dans mon livre. Je parle de dynamique de pouvoir, puis aussi de coût. C'est un coût, l'expression. À chaque fois qu'on s'exprime, on fait le calcul des coûts-bénéfices. Puis on le fait tous, que ce soit Mike Ward ou Jean-François Mercier ou moi ou Alice Paquet ou n'importe qui. On fait tous le calcul coût-bénéfice. Après ça, on prend des décisions qui sont plus ou moins pour le bien commun, pour notre bien à nous, on fait des choix, puis en fait, les personnes qui disent on peut plus rien dire, c'est qu'ils réalisent que le coût augmente, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus autant s'exprimer sans que ça puisse leur faire une blessure d'égo parce qu'il y a des gens qui vont leur répondre. Ça revient pas à la première question. Est-ce qu'on a plus de misère à se faire répondre plus que est-ce qu'on peut plus rien dire? Je pense que les gens ont juste de la misère à être tenus responsables de leurs propos. Oui, puis les dynamiques de pouvoir, mais c'est encore difficile de parler de privilèges. C'est encore difficile de dire, il y a des gens... Les gens sont convaincus là, que l'égalité est atteinte, qu'il n'y a plus de problème au Québec. On en parlait dans l'épisode d'Interdiction de tourner à droite. Éric Duhem avait écrit un livre, Le dernier gay, puis c'en est un, ça, qui dit non, tout est beau, la gang, là, c'est fini, les combats. C'est pour ça que t'as été dans le placard pendant 40 ans. T'as senti faire le livre le plus homosexuel conservateur la journée que tu t'es fait pogner une tapette. C'est ça. Mais c'est les dynamiques de pouvoir, c'est encore dur pour les gens de les imaginer. C'est dur de les imaginer, de les conceptualiser quand t'es surtout au sommet de la pyramide. Là. Quand t'as beaucoup de privilèges, c'est difficile de voir en quoi ça te bénéficie parce que t'as avantage à croire que tu mérites tout ce que t'as, que t'as travaillé fort pour l'avoir. Puis c'est vrai qu'il y a des hommes blancs hétérosexuels qui travaillent très fort pour arriver où est-ce qu'ils sont, mais je veux dire, ils partent quand même avec une longueur d'avance. Alors, remettre ça en question, pour parler d'expression dans un contexte de dynamique de pouvoir, je pense que ça remet beaucoup trop de choses en question pour des gens qui possèdent ce pouvoir-là. Puis c'est encore eux qui ont la parole. Fait que, tu sais, c'est comme. Puis surtout que la plupart de ces gens-là sont de la comme génération, tu sais, soit des baby-boomers, soit de la génération Y. Puis, tu sais, c'est une génération qui a beaucoup été marquée par se libérer du catholicisme, puis comme se démarquer comme individu, puis la réalisation individuelle. Tu sais, ça dans un contexte d'État-providence. Mais ça accorde vraiment full avec le truc de liberté individuelle de parler. Moi, je me souviens, la génération de nos parents dire ta gueule à nos amis devant eux autres, c'est comme on dit pas ta gueule aux gens, les gens peuvent s'exprimer. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment un truc générationnel culturel aussi avec comme le fait de pouvoir dire ce qu'on veut. Alors que nous, on est beaucoup dans une génération où on se perçoit comme des communautés, puis on est comme on peut pas dire des affaires qui sont comme full oppressives ou qui sont comme. Mais c'est contradictoire un petit peu parce que d'un côté, il y a cette liberté individuelle de parler qui revient constamment, mais quand on accuse individuellement quelqu'un, alors là, soudainement, c'est plus de leur faute. Parce que, on peut plus rien dire, là, il y a ça. Quand tu débats sur un réseau social pour dire à quelqu'un, tu dis, ouais, mais. Bon, il y en a qui vont juste très mal se défendre, mais il y en a aussi qui vont juste dire, oui, mais ça, c'est une affaire systémique. Moi, je suis dans un système, j'apprends encore. On a beaucoup ça dans les excuses que les gens vont faire après, ça va être fait reprocher. Mais ça, moi, quelqu'un qui s'excuse, je trouve que c'est formidable. Oui. Je trouve que c'est ça la voie, puis c'est ça qui montre que c'est vraiment pas grave. Si tu vas en faire des erreurs, ça se peut. Parce que c'est ça, les gens, ils ont peur aussi de s'exprimer. Les gens disent, on peut plus rien dire, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de s'exprimer, de peur de faire des gaffes. Ouais. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que l'idée, c'est vraiment qu'on soit tous en train de considérer qu'on est en apprentissage, puis que ça se peut que t'es pas dans la perspective d'une. Mettons que si tu t'adresses à moi, t'es pas dans la perspective d'une femme lesbienne. Ça se peut que t'aies des angles morts, mais après ça, moi, si je te le dis, la pire chose que tu peux faire par rapport à ça, c'est d'être susceptible puis dire « Je suis pas homophobe! » Mais si tu dis « Excuse-moi, j'avais jamais vu ça de cette perspective-là », on arrête puis on recommence. Je veux dire, c'est vraiment pas... C'est pas on arrête et on recommence. On efface puis on recommence. Tout le monde veut s'exprimer, mais personne n'y va avoir tort. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tellement pas grave. C'est vraiment, c'est vraiment parce qu'on est dans des mondes d'égo que c'est vient là comme insurmontable de se faire dire ta joke, elle me fait plus rire parce que je pense qu'on a assez entendu de jokes homophobes ou de mais en même temps quand un militant ou une militante va nommer publiquement des injustices, ces personnes-là vont souvent se retrouver vont souvent devenir la cible d'attaques ou de commentaires vraiment vraiment négatifs ou même insultants ou voire même des menaces etc. Tellement où on voudrait les rendre responsables quasiment de cette injustice-là. Comment t'expliques le fait que les militaires reçoivent tellement de backlash quand ils font une dénonciation publique? Mais parce qu'ils dérangent, parce que, tu sais, ça bouscule, puis ça bouscule l'ordre établi qui bénéficie à la majorité. Ouais. Fait qu'on cherche un bouc émissaire, puis rapidement, on tombe sur le militant. Puis moi, c'est ça que je voulais mettre en lumière en parlant des social justice warriors, parce que cette expression-là, en fait, c'est une caricature pour les ridiculiser, pour dire que c'est des... C'est pour dire que c'est des... guerriers, c'est une exagération. Special snowflakes, c'est dans la même catégorie. C'est un peu pour dire, hey, tu te prends pour un guerrier là, que tu vas changer le monde, mais dans le fond, tu veux juste te mettre en valeur. Pis c'est vraiment ça, la caricature. Puis moi, j'ai dit, mais ces gens-là, ils se mettent pas en valeur, jamais ça fonctionne. Ouais. Toujours, ils se ramassent toujours à être le paria de la société, puis à être, tu sais, dans une situation comme le débat autour de Slav, là, c'est pas Marie-Lou Craft qui s'en est sortie gagnante, qui est devenue super valorisée, puis qui est sur toutes les. Tu sais, elle a pas gagné un capital de sympathie, même au contraire. Mm-hmm. Je veux dire, elle en paie encore les conséquences. Oui, Marie-Lou Craft qui est la personne qui avait écrit du premier billet, qui a comme lancé la discussion sur le show Slav de Robert Lepage. Qui avait mis des réserves, tu sais, qui avait posé des questions sur. T'sais, justement, sur le contexte de réalisation de cette pièce-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, Robert Lepage, lui, il est très bénéficiaire de tu sais, je veux dire, il peut encore faire des pièces de théâtre partout. Ben, actually, il est juste allé faire Slav en France. C'est ça. Puis, tu sais, il a compris qu'ici, c'était pas correct, mais il est allé le faire ailleurs. Puis, tu sais, il a bénéficié de la controverse, même que récemment, Serge Denoncourt a dit dans le journal Métro, en entrevue, il a dit. Je remercie Robert Lepage de nous avoir ouvert ce beau débat, de nous avoir fait avancer collectivement au Québec. Serge. Ouais. Wow. Bon, ben, je pense que là-dessus, nous autres, on va aller faire des stories plaintives jusqu'à ce qu'un de nos followers finisse par nous amener un café et on vous revient. Over café. Bon, ça n'a pas marché notre affaire, on s'est juste fait traiter de special snowflakes, puis on a dû se rendre au team nous-mêmes pour aller chercher nos cafés, mais on est là, puis on est over-caféiné. Bon, là, en plus d'adresser ce fameux mythe là, selon lequel on ne peut plus rien dire, ton livre s'intéresse aussi à la question « à cause de qui on ne peut plus rien dire? » Où tu nommes que l'on pointe souvent les social justice warriors comme responsables. Ouais. Tu portes à la défense de ceux et celles, de eux et elles, pardon, en ajoutant cependant une perspective autocritique. C'est qui les social justice warriors? C'est quoi leur point fort ou leur point faible? Ils ont quand même des contradictions, des choses qui sont pas correctes. Oui, puis quand on parle des social justice warriors, ça peut être un paquet de monde, tu sais. Puis souvent, on va les mettre dans le même panier, alors que il y a des personnes qui sont comme dans n'importe quel groupe social qui sont un petit peu plus allumées ou qui ralentissent le groupe, là. Mais tu sais, donc leur point fort. Mais je pense que c'est des personnes qui sont, je crois sincèrement, qui sont investies dans l'amélioration de la société, dans les injustices sociales, qui veulent que ça s'améliore, qui veulent plus de justice pour tout le monde. Puis je pense que c'est des gens qui sont sincères dans leur dans leur approche. Par contre, des fois, ça va se virer contre eux ou ça va se virer contre... ça va devenir contradictoire. Ouais. Parfois, par exemple, ils peuvent être peuvent s'avérer élitistes dans justement l'utilisation d'un vocabulaire tellement précis qu'ils vont prendre un peu pour des caves ceux qui embarquent pas dans leur compréhension de la rhétorique. C'est ça, j'allais dire. Surtout que du côté LGBTQ, ben, ça existe dans tous les milieux militants, mais dans le côté LGBTQ, y a un gros vocabulaire d'avoir à acquérir avant de vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants de ce que c'est qu'être une personne trans, non-binaire, gender fluid, demi-boy, demi-girl, j'en passe. Puis tu sais, ne serait-ce que l'utilisation du mot hétéronormatif, tu peux, tu sais, de prendre pour acquis que la personne est vraiment une triple conne de pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'il y a des gens, moi je suis dans le milieu journalistique récemment, un journaliste qui savait pas, fallait que je lui explique. Je veux dire, ça, c'est pas... je pense que c'est pas la bonne approche. Des fois, il y a des social justice warriors qui vont être peut-être arrogants ou qui vont être agressifs si on n'a pas la bonne approche. Ouais. Ou, de la même façon que je disais tantôt, je pense qu'il faut qu'on soit capable de s'excuser quand on fait des erreurs, c'est la meilleure des choses. Mm-hmm. Ben, quand on est dans une perspective de vouloir plus de justice sociale, ben, l'idée, c'est pas d'écraser les gens, c'est vraiment d'essayer que tout le monde, on essaie de grandir ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est jamais une bonne approche d'humilier les gens parce qu'ils n'ont pas les bonnes... Ils sont pas rendus là dans leur réflexion sur des enjeux sociaux qui ne touchent peut-être même pas. T'sais. C'est normal que moi, en tant que lesbienne, j'ai une réflexion critique plus évoluée que monsieur, madame, tout le monde sur les effets de l'hétéronormativité dans ma vie. Oui. Puis quand même, il faut garder en tête que surtout du côté des opprimés, il y a quand même une colère justifiée qui peut apparaître. Ben oui, il y a une colère justifiée. Parce que des fois, on dit, oh my God, elle aurait pu me l'expliquer plus simplement, plus doucement. Mais tu sais, c'est dépendamment de t'es qui aussi dans la conversation. Ouais. T'sais, moi, comme là, des tu personnes... me demandais les points positifs et les points négatifs. Oui. Je t'expliquais comment ils peuvent être perçus, mais je suis totalement d'accord que la colère justifiée. Mais c'est surtout, tu sais, t'es qui dans cette conversation-là. T'sais, moi, des personnes trans qui vont eye roll quand il y a des straights qui vont dire une trans au lieu d'une personne trans, je vais toujours être comme, oui, vous pouvez être fatigué de tout ça. Alors que, comme allié, ben tu sais, c'est notre job aussi de pouvoir juste faire comme, oh, je veux une personne trans. C'est comme c'est un adjectif, puis de juste être là pour comme faire the Lord's work. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, même comme alliés, tu sais, vont comme eye roll, puis être dans une over-performativité de comme, oh my God, plus capable des gens, tu sais. Qui est comme pas nécessairement productive, tu sais. Mais ici, autour de cette table, est-ce qu'on s'identifie avec le terme social justice warrior? Fuck yeah. Ah ouais. Mais c'est comme vous voulez. À un certain moment, je me suis réapproprié le titre parce que tu sais. Mais c'est vrai que t'as été figure publique quand même. C'est-à-dire que t'as reçu tellement de mal. Mais for real, tu sais. Quand on me présente comme militante, des fois c'est pour diminuer mes qualités de journaliste, en fait, pour un peu m'enlever de la crédibilité parce que c'est comme incompatible, tu sais. Mais je pense que c'est important de se réapproprier les choses de manière à reprendre le pouvoir sur les insultes qu'on nous... Ben, vous êtes bien placé pour savoir ça, là. Toi, just fuck yeah. Je suis comme en train de vous expliquer la vie, puis je suis comme, non, ils savent. Non, mais les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas. Faudrait que je parle. Mais moi, c'est clair, parce que de un, tu sais, dans l'expression social justice warrior, il y a un petit peu un sous-entendu sur les internets. Oui. Parce que c'est beaucoup pour les personnes qui commentent et qui vont s'engager dans des débats Facebook. Je ne m'engage plus dans des débats Facebook, mais... je vais régulièrement mettre une petite phrase lapidaire et envoyer chier tout le monde pour ne plus jamais revenir sur ce trend. Là, ça. Mais avant, j'étais vraiment très investi, très investi. D'ailleurs, au point où ça m'écœure un peu des fois que les gens pensent que Social Justice Warrior sur Internet, il y a un gros cliché qui est « c'est juste des gens dans le sous-sol de chez leur maman qui ont rien d'autre à faire que d'écrire ». Je pense que, en tout cas, je veux pas comme commencer à sortir mon curriculum vitae, là, mais j'ai pas passé la vie dans le sous-sol de personne. J'ai été impliqué activement, genre, quand je vais sur Facebook, c'est juste une autre forme de militantisme. De toute façon, là, tu peux militer dans le sous-sol de ta maman si tu veux. Oui, il y a des personnes introverties. Facebook a donné une parole à ces gens-là aussi. Oui. Moi, j'avoue que... Toi, Charlie? Ben, on the internet, pas tant que ça, tu sais. Juste parce que même, tu sais, je sais pas, là, sur Facebook, les gens partagent tellement de contenu aussi. Mm-hmm. Puis tu sais, comme, j'en lis, il y en a que je trouve intéressant, mais tu sais, des fois, je suis un peu dans des trucs de comme, ben, tu sais, il faut arrêter de comme juste partager des affaires qu'on sait déjà, relire des articles sur des sujets qu'on sait déjà, puis tu sais, comme, juste se valider puis se fider dans ce truc-là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de ça, des gens qui on dirait qu'ils regardent puis qu'ils lisent sur le même sujet 365 jours par année. Ouais, ouais. Puis tu sais comme mais, je comprends, mais fine aussi, tu sais, je pense que c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je trouve super intéressants, tu sais, mais moi étant donné que j'ai travaillé en éducation sexuelle longtemps, tu sais, je sais pas, j'avais l'impression de faire du travail qui était politique mais comme avec du monde, fait que mais c'est pour moi t'es un social justice warrior de par ce travail là. Ah mais puis j'ai l'impression que c'est comme ça que les gens me perçoivent depuis super longtemps, tu sais, même quand j'étais à l'université en travail social, j'étais tout le temps la personne qui voyait des problèmes avec des enfants, qui me les derniers jours. C'était un peu rabat-joie, t'es clairement un social justice warrior. Ah, oui, tous mes emplois, ça, j'étais le gauchiste de service qui allait chialer sur quelque chose ou autre chose. C'est ça. Il y a un tag qui vient très rapidement. Ce qui me fait penser, t'en parles dans ton livre aussi, on a souvent tendance à se contenter de s'indigner plutôt que agir. Mm-hmm. Ça arrive, ce qui est correct. Tant que moi, l'indignation, c'est une forme de militantisme. Oui. Cela étant dit, parce que c'est sûr, s'indigner, hein, ça nous amène pas des amis. Non. Fait que comment, selon toi, on trouve de l'empathie ou des sympathisants? Genre, ça serait quoi une proposition générale? Question facile. Comment on trouve de l'empathie? Plus comme l'empathie puis les ressources d'éduquer, puis de prendre par la main des gens qui ont pas d'empathie ni de ressources pour nous autres, en fait. Mais tu sais, dans le livre aussi, je parle du principe de I'm not here to teach you, c'est-à-dire, je suis pas là pour t'éduquer. Des fois, il y a des gens qui voudraient que je leur donne un cours sur le féminisme. Ouais. De 2 heures, puis que j'ai pas le temps de faire ça. Faut que je gagne ma vie. Ouais. Non, mais moi, je parlais de comme quand je suis à l'université en travail social, là, moi, je reçois encore à ce jour des DM de comme allô, Charlie, y a une personne trans. Nanana. Juste parce qu'ils savent que je suis queer, puis je suis comme oh my god. Moi, j'ai tout le temps, j'ai plein de demandes de collègues recherchés, ces journalistes. Pourrais-tu m'aider? Je cherche une trans. je cherche une trans. Qui ferait quoi dans la vie? par où commencer? Mais, ouais. Moi, c'est en rencontrant le fond du baril que j'ai acquis, je dirais, de l'empathie, parce que je pense que les personnes qui se pognent avec moi sur Facebook, évidemment, ça s'inscrit dans une société patriarcale. Puis il y a toute une problématique sociale là-dedans, mais il y a aussi des gens, c'est deux choses séparées, il y a aussi des gens qui souffrent, tu sais. Oui. Tu te pognes pas jour après jour après une féministe lesbienne parce que ça va bien dans ta vie. Puis je veux dire, moi, en étant en faisant une dépression, j'en parle dans mon livre, tu sais, ça m'a amené à remettre en question toutes sortes d'affaires. À mettre en pratique plein de principes super psychopop, mais ça m'a aussi amené à avoir de l'empathie envers moi-même, puis ainsi envers les autres, puis à réaliser justement que, tu sais, il y a des principes, mais il y a aussi au-delà des principes l'idée d'essayer de gagner un peu d'améliorer un peu la société dans laquelle on vit. Ouais. Puis tu sais, moi, un principe, par exemple, moi, me faire dire de sourire, c'est la chose qui m'insulte le plus au monde. Mm-hmm. Puis je pense pas que les filles, on devrait sourire. Je pense que notre colère devrait être totalement légitime et acceptée. Mais je sais que je vais gagner davantage d'adeptes ou que je vais convaincre davantage de gens si je sugarcoat mon message et que je suis un peu souriante quand je le dis. J'ai le goût de vomir en disant ça. Mais je sais que c'est des compromis à faire. Ouais. C'est juste une image. Là. Ça veut pas dire que je suis tout le temps en train de sourire puis quand je suis en colère, je me cache. Là. Ouais, mais ça, c'est dans nos relations avec le monde extérieur parce que entre nous, militants et militantes, on n'y échappe pas. Ouais, non. Loin de là même. Non. C'est moi je en tout cas, c'est sûr qu'à 2 fifs le matin on fait attention à ce qu'on dit, mais genre ça nous est arrivé de recevoir des courriels ou des petits commentaires qui étaient comme hey, guys, faites attention à telle affaire, tu sais. Ouais. Puis ça s'est bien passé dans notre cas, mais entre militants, militantes, je sais pas si t'es d'accord, des fois ça fait encore plus fort. On peut être encore plus sévère, tu sais, moi. Je vais l'amener d'un point de vue plus personnel. Est-ce que tu te sens trahi quand tes alliés débarquent pour te ramasser? Non, parce que je trouve que c'est toujours constructif. Tu sais, un des meilleurs exemples, tu sais, puis j'en parle dans le livre, je cite Kevin Breton qui nous a reproché les brutes de faire un spectacle dans une salle qui était pas adaptée, puis il dit, tu sais, ouais. si vous êtes si woke que ça, si vous travaillez pour la justice sociale, comment vous pouvez justifier ça? Puis je suis comme, yo, t'as raison, man. Ultra raison. Après ça, c'est sûr que Peter McLeod, il se fait moins reprocher ça de faire des choses dans des salles pas accessibles. À la limite, toutes ces salles sont accessibles parce qu'il remplit des grosses salles, tu sais. Oui, les salles corporatives. Oui, c'est ça. Mais alors, oui, en même temps que je trouve ça injuste dans le sens qu'on va cibler davantage nous parce qu'on est supposé être super éveillés aux enjeux sociaux. En même temps, mais peux-tu te le dire, j'en fais plus des shows dans des salles qui sont pas adaptées, qui sont pas inclusives, tu sais, puis je fais attention, puis des fois j'en échappe, mais je veux dire, pour moi ça a été un apprentissage, puis c'était vraiment parmi mes angles morts, puis c'est tellement pas compliqué à régler cette affaire-là, puis à favoriser des salles accessibles. Quoique il y a encore tellement de salles qui le sont pas, parce que c'est difficile à trouver des salles qui répondent à tous les critères, mais quand même. En même temps, c'est compréhensible, parce que moi, je sais que, je veux dire, Donald Trump va dire de quoi d'homophobe à TV, je m'excuse, mais je vais pas me lever de mon divan criant « Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » Genre, no surprise, mais quand Ellen DeGeneres chill avec George Bush, là, je suis en tabarnak. Là je me sens vraiment plus amer. C'est en vertu, en fonction de nos attentes, dans le fond, envers les personnes. Si t'as des grandes attentes envers Ellen DeGeneres, comme moi d'ailleurs, effectivement, tu vas être plus déçu que t'sais. C'est ça. Non, puis c'est tout le truc aussi de comme, tu sais, sentir que t'as un peu failli à ta tâche comme allié, puis là, passer par-dessus. Tu sais, comme, t'as retrouvé ses mains, je travaille plus fort, mais en même temps, tu sais, des fois, ça dépend des fautes aussi, tu sais. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment capables de let down une partie de la communauté sans vraiment le voir, puis là, c'est aussi travailler sur notre capacité à comme bounce back de ça, puis de OK, on s'est senti trahi par un allié pour un moment, mais en même temps, tu sais, comme, faut continuer de travailler ensemble, puis mais des fois, c'est difficile, tu sais. Je trouve que, individuellement, mais à chaque fois que je soupèse à quel point c'est difficile, je trouve que c'est jamais, ça se compare jamais. Tu sais, comme récemment, j'ai eu une demande d'une personne sourde pour assister au Cabaret des sorcières. Ça a demandé des petits aménagements, puis tu sais, j'étais comme, oh, c'est lourd, mais en même temps, c'est zéro lourd comparé à. Il fallait que j'écrive à mes artistes. Ça demandait un petit peu plus d'effort, mais hey, c'est vraiment pas grave là, comparé à lui donner accès à un spectacle alors que les personnes sourdes ont jamais accès, ont presque pas la culture. Non, il y a rarement une personne qui va traduire en LSQ ou en LSA, dépendamment où est-ce qu'on est dans le monde. Exact. Est-ce que tu penses, toi, là, que le principe de safer space, c'est encore quelque chose d'utile pour nos communautés, ou il faudrait peut-être se méfier d'espaces autoproclamés sécuritaires? Ben, moi, je pense que c'est nécessaire. Après ça, je sais qu'il peut y arriver, des problématiques même dans les espaces sécuritaires. Après ça, je pense que ces espaces-là ont toujours à se renouveler. Puis parce que les dynamiques de pouvoir ont tendance à se reproduire. Mais moi, je crois beaucoup que ça prend des moments, des soupapes, tu sais, d'évacuation. Après ça, est-ce que c'est des safe spaces institutionnalisés ou est-ce que tu vas plutôt choisir, hey, je vais faire une soirée chez nous où je vais inviter des gens qui sont dans la... que je sais qu'ils... Je sais qu'on va pouvoir décanter sur telle situation. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis je pense qu'on doit créer ces occasions-là. Puis essayer. Mais après ça, tu sais, mettons, il y a un espace, l'Astérisque, pour les jeunes LGBTQ+, dans le village, dont je suis porte-parole depuis plusieurs années. Puis je pense que cet espace-là est vraiment un espace sécuritaire pour les jeunes où ils peuvent se retrouver entre eux puis créer des liens. Tu sais, quand t'as pas de repères quand t'es jeune, je pense que c'est nécessaire. Tu sais, il faut qu'ils se retrouvent. Moi, quand j'avais leur âge, tu sais, j'avais... Mais je suis vieille, j'avais même pas l'Internet à 15 ans. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone dans mon temps. Moi, il n'y avait pas. Mais il y avait l'Internet, mais tu sais, c'était genre les vraiment ultra geeks. Là. Moi, j'étais pas là-dessus. Là. J'ai eu l'Internet à 10. J'ai eu un courriel à 18 ans. Quand j'avais cet âge-là, rencontrer d'autres lesbiennes, c'était, tu sais, ça se passait genre dans le village au Second Cup, puis c'était pas évident, là, tu sais. T'as une dague du Second Cup, toi, pas une dague du Tim Hortons? Mais en fait, je pense qu'il y avait un café qui existe même plus. C'était au coin. Pas le café d'Alida? Non, mais il y avait des gâteaux, là. Je me souviens pas. Ah, c'est au 1000 grammes. Le non. Café Kilo. Café Kilo. Qui est devenu le 1000 grammes ensuite. Oui, oui, oui, Papineau, c'est le 1000 grammes. Oui. Kilo. Mais c'est parce que ça s'appelait le Café Kilo. Il y en avait deux succursales, une Saint-Denis, une Sainte-Catherine. Les propriétaires se sont chicanés, puis l'autre a parti le 1000 grammes. Mais oui, bien. Meilleure affaire. Yes. Fait que parlant de vieux souvenirs, nous, on a retéléchargé Foursquare après tant d'années, puis on va aller check-in dans le petit café 3e vague Q du coin pour annoncer aux 3-4 derniers utilisateurs de Foursquare qu'on est rendu là, puis on vous revient overcaféiné. En tout cas, au nombre d'utilisateurs qui restent sur Foursquare, c'est quand même assez facile de go viral. La moitié des utilisateurs et utilisatrices ont vu notre post. Fait que, comme dans ton livre, Judith, tu réfères à beaucoup d'événements récents couverts par les médias mainstream sur le thème des rapports de pouvoir et de la soi-disant liberté d'expression jusqu'en 2018. On s'est dit qu'on pourrait te faire une petite entrevue Ask a Social Justice Warrior sur certains événements marquants de 2019. Ça te tente-tu? Ah oui, j'aime ça les jeux! OK. Fait que on te pitch des déclarations très innocentes sur des faits d'actualité. Puis on s'attend à ce que tu nous répondes super raide à la Social Justice Warrior ben crinqué sur Internet. OK, parfait. Puis qu'après ça, tu peux prendre un moment pour comme nous radicaliser plus... Softly. Oui, avec un beau sourire. OK. Commençons. Justin Trudeau était présent à la manif du 27 septembre 2019 contre les changements climatiques. Ça donne de l'espoir quand même. Oh my God, il est allé manifester contre lui-même. Merci! C'est toi qui prends les décisions. Ah, mais moi, ça me met hors de moi, man. À quel point tu vois pas l'ironie? À quel point tu vois pas c'est quoi le problème? C'est toi, c'est ton esprit. Il y a juste Justin Trudeau pour avoir autant de culot, pour vrai. Puis, ça m'insulte. Pour de vrai, c'est comme les gens qui dit « t'es cute quand tu te fâches ». Pour moi, c'est la même affaire. Mmh. C'est comme si toute notre colère, notre impuissance, il nous riait de ça en pleine face. Mais Justin Trudeau est incroyablement confortable avec l'incohérence. Ah ben oui. Mais il a été élevé là-dedans. Oui. C'est-à-dire qu'il est fait pour être un produit parfait de premier ministre. Lui, il s'en calisse d'être cohérent ou pas. Là. Non, mais son père était quand même meilleur que ça, là. I mean, bitch, I don't know. On sait pas si Pierre-Éliott Trudeau survivrait à 2019 aussi ou comment ça se passe. Oh, hell yeah. Mais, je l'ai eu pour mourir, mais il était quand même bon politicien. Deuxième, Ask a Social Justice Warrior. Je savais que j'aurais de la misère à dire Social Justice Warrior. Ça ressemble à Social Worcestershire. Social Worcestershire. Les partis fédéraux qui veulent empêcher le Québec de mettre la loi 21 en place, c'est du Québec bashing. Ah, mais ça me fait rire que ça a pris autant de place dans la campagne fédérale parce que c'est un enjeu juridique. C'est en ce moment, c'est débattu dans les cours respectives. Là. Fait que, tu sais, ça va suivre son chemin judiciaire. Puis après ça, le pouvoir politique là-dessus, c'est pas phénoménal. Là. Non. Fait que, est-ce que c'est du Québec bashing? Tu sais, je veux dire, on n'est plus à l'époque des porteurs d'eau non plus. Là. Je pense que. En tout cas, je pense que. Non, puis also, we be racist. Là. Ça me savoure, là. Tu sais, c'est. You can bash on that. Moi, la loi 21, je te crisserais ça au vidange, ça serait pas long. Oh my God, puis ceux qui l'ont écrit avec. On a déplacé l'Halloween, la semaine à Molly, on n'a plus de repères. J'ai de la difficulté à voir l'enjeu social là-dedans. Merci. De la façon que tu l'as wordé, j'entends la chronique de Mathieu Bock-Côté. Oui. Effectivement, c'est une question de repère, c'est une question. Puis c'est facile de traiter notre génération, c'est-à-dire moi j'ai 36 ans, c'est ma génération là, qui a des enfants en ce moment. C'est les parents de ma génération qui sont en train de pas vouloir faire subir ça à leurs enfants. Puis c'est facile de voir aussi un enjeu individualiste. C'est dur de pas dire on s'en calisse. Oui, mais en même temps, il pleuvait, il y avait du vent, c'était laid, personne voulait y aller. C'est pas grave. Non, mais là. Ça a toujours été ça, l'Halloween. C'est, je veux dire, le 31 octobre, il fait pas beau. Non, effectivement. Mais après ça, tout ce qui se passe autour, le fait que des administrations municipales prennent des décisions concernant une fête païenne à caractère religieux quand même. Oui. Tu sais, il y a cet enjeu-là. Ouais, c'est comme, on n'a jamais pensé à c'était la compétence de qui, premièrement, cette fête-là, puis tu sais, comment ça s'inscrit dans nos valeurs puis dans notre histoire collective. Mais tout le discours autour de Valérie Plante, tu sais, je pense qu'il y a eu énormément de misogynie qui s'est exprimée, mais qui s'exprime à toutes les fois que Valérie Plante prend une décision, tu sais. Fait que c'est ça. OK, une plus tough. un petit peu plus tough. Alors, on s'entend, je cite quelqu'un sur Internet. Hein, c'est pas moi qui dis ça, s'il vous plaît. on l'a toujours su qu'Éric Lapointe avait des problèmes de boisson puis des penchants de mauvais garçon. Moi, j'achète ses CD quand même. Moi, plus que... Ce qui me fait capoter, là, c'est les gens qui ont acheté des billets pour Patrick Bruel puis qui peuvent pas se faire rembourser. Ça me fait capoter. Puis j'espère que les gens qui ont acheté des billets pour Éric Lapointe peuvent se faire rembourser. Moi, ça, je trouve que c'est comme... Ben oui. Ben, c'est pas, en tout cas, le minimum tant qu'à moi. Ça serait le minimum tant qu'à moi, mais c'est ça. Moi, j'ai manqué l'affaire Patrick Bruel, puis je suis sûr qu'il y a des auditeurs aussi. Qu'est-ce qui se passe? À peu près la même chose que Éric Lapointe. Patrick Bruel, il y a plusieurs accusations de massothérapeute qui l'accusent d'avoir comme pas compris c'est quoi le métier de massothérapeute, d'avoir abusé de ces filles-là, puis d'avoir essayé d'avoir des contacts sexuels avec elles à plusieurs reprises, plusieurs filles différentes. Fait que tu sais, c'est comme un pattern. Puis là, il donne un concert à Montréal cette semaine, puis Evenco veut pas rembourser là, les gens qui ont acheté des billets. Puis Marc Cassivi, dans une chronique dans la presse, a révélé qu'il y a plusieurs lectrices qui lui ont écrit pour lui dire « Hey, moi, j'avais des billets pour Patrick Bruel, ça m'écœure, je me tente pas d'encourager, je peux pas me faire rembourser, je vais pas me présenter, mais tu sais, j'ai perdu 250$, puis ça va dans ses poches. » C'est cher aller voir Patrick Bruel? C'est probablement cher aller voir Éric Lapointe aussi. C'est Centre Bell, tu sais. Puis Éric Lapointe, mais tu sais, c'est le meilleur exemple de... T'sais, on a parlé beaucoup de culture du viol dans les dernières années, puis ça nous a fait comprendre, c'est pas d'agression sexuelle dont il est question, mais ça nous a fait un peu comprendre comment on a tendance à dépeindre les agresseurs comme des monstres, sauf quand on les aime. Et généralement, on les aime. Il y a tout le temps quelqu'un qui les aime quelque part. C'est le fils, le frère de quelqu'un. Éric Lapointe, on l'aime collectivement. On a-tu écouté ses tunes? Même que ce soit au premier ou au deuxième degré. Il fait partie de notre... Puis des fois, c'est encore plus difficile. Tu vois tout ce qui est arrivé autour de Claude Jutras, qui avait les prix, Jutras, Claude Jutras, il est considéré comme un des plus grands cinéastes québécois. Là, à un moment donné, je me rappelle plus exactement c'était quoi les accusations, mais je pense qu'on était dans... Il y avait le mot infantile là-dedans. C'était la pédophilie. Là. Et tu sais, après ça, c'est comme, on dit qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre pour pouvoir... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est de pouvoir continuer à honorer nos prédateurs préférés. Puis Jutras, c'était plus facile parce qu'il était mort, mais tu sais, Éric Lapointe, il est encore en vie, il va sûrement encore sortir du stock, puis tu sais, le monde va encore entendre ses tunes à la radio, alors qu'il y en a d'autres. Peu importe ce qui s'est passé, je trouve que ce que ça démontre, c'est la facilité avec laquelle les gens sont prêts à passer, balayer en dessous du tapis des accusations relativement graves. Là. Parce que c'est un monument de la culture québécoise. Mais parce qu'ils sont attachés intimement à Éric Lapointe. Puis je le comprends, c'est décevant. C'est ultra décevant. Tu vois, là, la seule toune d'Halloween pop qui existe, c'est Thriller de Michael Jackson. Puis là, deux jours avant l'Halloween, ils ont décidé que le boycott de Michael Jackson était fini. Ouais. Même malaise un peu. Là. On était vraiment outrés il y a trois mois quand le documentaire est sorti sur Michael Jackson. Puis là, on est comme... Oh oui, mais c'est bon, Thriller. C'est ça le dilemme. C'est ça le défi, en fait. C'est ça qui est difficile. Ça n'a pas de bon sens. Mais je trouve que c'est compliqué. Tu sais, mettons, Michael Jackson, on s'entend que son legacy est partout, tu sais. C'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que c'est compliqué de le boycotter. Je pense que j'aurais pas fait jouer Thriller cet Halloween. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'il y a pas d'autres tunes. Il y a d'autres tunes, pour vrai. Moi, là, si j'étais la personne qui faisait les choix, là, je m'excuse, je vais pas mettre Éric Lapointe en ce moment. Non, c'est ça. Alors que pour les gens, c'est banal, ce truc, mais en même temps, c'est vrai qu'on veut juste pas faire des agresseurs. On monte en scandale le fait que certaines radios décident de pas mettre Éric Lapointe ces temps-ci. Il y a des gens qui disent « Hey, on peut-tu avoir les faits avant de le pénaliser? Hein? » Mais même si c'était le cas, même si dans six mois, on apprenait que tout ça n'est qu'une vulgaire erreur. Elle n'était qu'une profiteuse qui voulait. Je pense pas que c'est ça. Admettons que c'était ça. Admettons, là. Admettons que c'était ça. Je veux dire, pendant les six mois des procédures ou un an des procédures, on peut-tu prendre un petit break puis juste pas honorer quelqu'un qui est justement en train de. On ne sait pas, là. On sait pas s'il a battu sa femme ou pas. T'sais. Fait qu'on peut-tu. Éric Lapointe, je pense qu'il gagne assez bien sa vie là, pour prendre un petit break de six mois. Ah, il va pas pire, Éric. Ouais, fait que c'est ça. un test des valeurs québécoises, c'est quand même pas une mauvaise idée. Il faut que les immigrants sachent à quoi s'attendre avant d'arriver, ça. Ils s'attendent qu'on bat nos femmes. C'est ça! Oui. C'est une hypocrisie sans nom. Ouais, ouais, Ou encore des Québécois passeraient pas le test. Oui, puis je trouve que c'est... Tu sais, il y a rien de plus insultant pour une féministe que de voir l'instrumentalisation du féminisme. Tu sais, ouais. On se bat à tous les jours pour l'égalité homme-femme, puis on se fait dire qu'on est gossante, ouais. qu'on s'enfarge d'un fleur du tapis, qu'on n'est jamais contente, que l'égalité est atteinte, que si, que ça, que ouais, on est, tu sais, on est féminazie, frustrée, mal baisée, tout le kit. Mais soudainement, là, quand ça fait notre affaire, parce que ça peut nous permettre de disqualifier des immigrants, ben là, nous, au Québec, on est tellement féministes, on est tellement pour ça, l'égalité homme-femme. Le gay-friendly aussi, là, t'as clairement une question de comme qui peut être en couple au Québec, puis t'es comme, sorry, là, le gouvernement Legault, là, ils ont donné 1,2 million de dollars à Fierté. Là. Il y a tellement d'organismes communautaires LGBTQ au Québec, aussi. À Montréal. À PDF aussi, tu sais, puis t'es juste comme Chris, il y a plein de monde qui ont besoin de cash dans le village. Qui ultra transphobe. Oui, c'est ça, tu sais, puis ils donnent pas l'argent au bon monde. Ils donnent à Fierté que, literally, ils roulent un des plus gros festivals à Montréal. Là, genre, ils manquent pas de cash, ça va, là, tu sais. Puis après ça, ils vont juste nous récupérer pour faire comme, ouh, on va leur dire, en tout cas, qu'ici, on est gay-friendly. T'es comme, ben, vous êtes pas gay, pour vrai, genre. Non, puis c'est la base de l'homo nationaliste. T'en parles un petit peu dans ton livre, puis on en a parlé ici à Deux Fiches le matin. C'est la même chose avec l'homo nationaliste. On est donc plus avancé à cette idée de progrès, moi, le progrès. Mais c'est vraiment une façon de se valoriser par rapport à l'autre. Ouais, premièrement, je veux dire, c'est de l'exclusion, c'est une forme de racisme. Puis, c'est pas vrai. Je veux dire, on peut en témoigner en tant qu'homosexuel, en tant que femme, que c'est, tu sais, on n'est pas si bien traité que ça. Il y a encore du chemin à faire. Ben oui. S'il vous plaît, instrumentalisez-nous pas. Fait que sur ça, on s'en va se trouver des blagues clever à faire en 15 secondes pour se faire un compte TikTok de buveux de café, puis on vous revient. On veut café, hein? Alors, c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et Judith, merci tellement d'être venue. C'était plaisant. Qu'est-ce qu'on plug cette semaine? Ben, moi, j'anime à chaque mois le Cabaret des sorcières. Il n'y a pas de place. Vous pouvez pas venir, mais vous pouvez écouter le podcast, par exemple. Sur toutes les plateformes. Vous pouvez pas venir, venez pas. Non, mais pour de vrai, c'est tout le temps plein. Mais vous pouvez essayer de venir. Abonnez-vous à ma page Cabaret des sorcières sur Facebook. Là. Vous allez pouvoir savoir c'est quand, puis quand est-ce que vous pouvez venir, puis réserver vos places. Mais sinon, si vous le manquez, il y a le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du vie parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, et le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts, des likes Spotify, des 5 étoiles sur Facebook, partout, tout le temps. N'oubliez pas de nous partager. Partagez-nous partout. Partagez-nous. Très important. Hey! Bye les moons, à la semaine prochaine. Bye les moons, bye. Bye bye.